Zéro tolérance. Bienvenue au cœur du risque, volume 1. Ok. Réciproquement, je m'en fous de l'Europe. C'est NAS, toujours avisé haut. Pendant qu'on veut m'attirer par le bas, j'étais pas de rien, mais on veut m'abattre. Comme mon Sama, ils veulent que je finisse rabattre. Je me fous de tout et de rien. Je gauche le rap et au plancher à toute allure. Parce qu'il écrit inspiré par la rue. Emblématique record, c'est pas l'état. Ici y'a pas d'ordure, donc on s'en fout. Le seul souci, le manque de monéo. Faites la cavalerie en mondéo. Ici y'a pas d'inspiré par Néo. Ce qu'il nous faut juste, c'est le forfait Néo pour le plus au bien-être. Il faut un bain qui suive avec 3-0. Pour faire cette production somme qui représente plus de 20 000 euros. Je pense à l'indépendance, à l'écriture, je suis devenu dépendant. Je fais que la crise, car elle veut nous sécher, mais on s'en fout. On veut du capital en cours. Billets verts, à plus quoi ça avoir en faire. On m'a maudit ou quoi pour ce putain de vif ton verre. Ici c'est zéro tolérance, tout pour plier la France. À quoi toi tu quittes ta vous merde en France. On rave comme des mortis prêts à tout vous faire péter. On rêve de consonner, on mourra de la bonne. Ici c'est zéro tolérance, tout pour plier la France. On rave à quoi toi tu quittes ta vous merde en France. On rave comme des mortis prêts à tout vous faire péter. On rêve de consonner, on mourra de la monnaie. Vive de monnaie. Ma seule tolérance, vas-y adhère à l'emblématique Nasdaq. Serait statique pour convaincre à la présidence. Les incidents d'état finiront toujours clos de notre côté. Finissent au barreau, c'est dans le cœur du risque. Et des problèmes, quel que soit le thème. Un peu d'inspiration, un bon crayon, y'a sur toi, tu le sais. On vit dans le zéro tolérance. Les mains, but de la France. Combattant, je le suis, mais j'ai pas toutes les chances d'en sortir vainqueur. En tout cas, je vaincrai avec mes ghetto boys, mes cassos de la crèche. Vas-y adhère que ce monde et cette vie nous baise. Une seule envie, c'est de piller. Car sans sortir, on l'a trop crié. Je vends ma vie. Venez dans les billets verts, car sans lui mon bonheur, putain de merde, j'y sais crier. Je ne vais te vivre et non cotiser pour une retraite où la servite en bouffe, où les impôts et ses factures de bouffe. J'suis dans le vrai, tu peux que le ressentir. Le rap du bon côté, c'est dans nos techs que ça tire kill. Ce pays nous l'a fait à l'envers, comme, il se dit, il est esti, tout, j'ai combattu, vie. Merci, merci. Ici c'est zéro tolérance, tout pour piller la France. On veut à quoi toi tu quittes, t'as vous mettre en France. On rap comme des mortiers prêts à tout vous faire. On mourra de la monnaie si c'est zéro tolérance. Tout pour oublier la France. On veut la France jusqu'à vous mettre en France. On sera comme des mortiers prêts à tout vous faire péter. On rêve de la monnaie, on mourra de la monnaie. Je mourrai de la monnaie. C'est ma seule tolérance.